Braga, Montréal à Babi. BX, Cutlass, sur Smix. Faut pas que l'armistice. Autour de moi on chasse les noirs, les beurs et même les tisses. Et ta bouche passe en plus devant tant d'injustice. Tisse t'es bien vu que si t'as les cheveux lissés. Les yeux bleus, les poches pleines et une villa à Nice. Vous êtes tous des fils de pute. On me dit de picoler pour oublier de chanter ou bien de roupiller. J'ai pas besoin de passe d'histoire. Moi bien sûr j'aime pas cette histoire. Quand je marche dans la rue on dit c'est qui ce noir. Tu peux pas chier les keufs, avoir ton poster. Les gros paris qui font ster. Si tu veux pas finir chez Watt dans ta fausse terre. Mater natale, où j'ai fait ma vie et même la maternelle. Je suis né là-bas dans une maternité. Malgré tout ça, je connais tous vos problèmes de cité. Ces mères qui perdent leurs gosses et font des prières. Trois ans que je rappe, mon flow je l'ai pas appris hier. Fier, d'être un quinfri, en cas de provoque. Moi je peux te canfrer, les paroles plus nobles qu'en vrai. Blanc noir, y'a pas de canfrère. Y'a pas de canfrère. On évolue ensemble, faut pas faire de différence par rapport à ton apparence ou à ton élégance. Écoute ça, écoute ce que j'ai dans ce putain de refrain. Tu comprendras. Sera pour tous ceux qui ont trop souffert. Sera pour tous ceux qui ont pas de souffrère. Sera pour tous ceux qui se retrouvent sous terre. Et aussi pour ceux qui voyagent en souffrère. Sera pour tous ceux qui ont trop souffert. Sera pour tous ceux qui ont pas de souffrère. Sera pour tous ceux qui se retrouvent sous terre. Et aussi pour ceux qui voyagent en souffrère. Faut que je reparte, faut que tu comprennes que dans ce monde. Ouais. J'assiste à ça tous les jours, alors j'exprime ça ici. Un 10 contre les 6 traces, c'est une vendetta, pire qu'un coup d'état. J'aurais vendu ta peau contre un tarbé, t'en seras si ton tarbéré. Le tort des ancêtres faut le réparer. Paré contre ces racistes, ces putains tarés. On les trouve partout, au stadia, au 6 fléau. L'arbitre blanc, si fait au moment, le Renoir l'est marqué. Ça m'a marqué, dans la rue, y'a trop de regards indiscrets. Sur ce beat indiscret, une vraie guerre. Car au gars qui se marque, il lance des regards méprisants. Car ce qu'il guette, c'est la prison. En France, quand des migrés noirs retenent notre propre apatrie. On rapatrie ses auditeurs, tout est Hitler. Cessez d'agir comme Hitler. On est en 2-0, mais toujours pas égaux. Entre un blanc, un noir qui vend en tôle, c'est le négro. Les Mississippi, depuis le CP, j'ai vu que c'était un monde de Satan. Au 21ème, on s'attend, mieux mais ça s'étend. Pense pas que la haine s'éteint. Elle persiste comme la flamme du FN. Avec le Pen qui a fait tant de peine en à peine 5 ans. Et qui me donne cette haine, exprimée sur bande FM. Sur bande FM. Sera pour tous ceux qui ont trop souffert. Sera pour tous ceux qui ont pas de souffrère. Sera pour tous ceux qui se retrouvent sous terre. Et aussi pour ceux qui voyagent en souffrère. Sera pour tous ceux qui ont trop souffert. Sera pour tous ceux qui ont pas de souffrère. Sera pour tous ceux qui se retrouvent sous terre. Et aussi pour ceux qui voyagent en souffrère. Le monde part en couille, et pas depuis aujourd'hui. Nos parents qui ouvrent plus, depuis qu'ils les ont tués. Partout la faucheuse qui vient défoncer le type parce qu'il est fauché. Il finit dans la fosse sceptique. Il y a des nazis qui rêvent. Les mecs à rien, tout ça c'est nazé, ne servira à rien. Les mecs ont idées tordues, comme le cucus clan. Tu n'es qu'un nègre, voilà c'est cucus clan. Et nous on reste là, mais y'a le FN. Comme des esclaves qui braillent sur les FN. Les gars tu flingues, rêvent du trou. Mais ils ont tous la trouille lorsqu'ils rencontrent du trou. Des mecs derrière les barreaux, mais toujours innocents. Attendant que ces bourreaux, juste de faire couler le sang. On est passé de la guerre froide à la détente. Manque plus qu'à placer le doigt sur la détente. Ils vont nous bomber, comme Hiroshima. Les futurs fusées, peut-être qu'elles iront chez moi, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans 6 mois. Mais depuis très longtemps, on voit ces temps si noirs. Bah ouais, c'est ça ta vie. Boire pour oublier, faire semblant de ne pas voir la vérité en face. Moi j'ai choisi d'oublier, de boire, de me saouler chaque soir et de bloquer du noir. Ouais, c'est ça ma vie, je l'ai choisi mon histoire. 20 ans qu'elle est partie, de Babi à Paris jusqu'à Tracy. J'ai vu trop de 6 rats, qu'on s'y frappe. Il me faut juste 6 rats pour éradiquer les gars de la race Le Pen. Petite frappe, si c'était que ça, j'aurais pu essayer de calmer ma haine. Et on a plus que ça, et ça me fait gollerie à peine, j'aurais pu te dire. T'en sortiras sans souffrir, mis dans ce monde où justice n'est qu'armistice. Ouais, ce rap est pour tous ceux qui ont déjà perdu un proche. Ce rap est pour tous ceux qui n'ont jamais reçu de cadeau. Ceux accros à l'héros et qui n'ont pas de boulot. Tu veux savoir combien y'a de zéro dans mon compte? Pareil comme la princesse de Monaco. Et si tu veux que je compte, ouais, te prends pas de compte. La vie c'est pas un compte de fées, c'est pas un compte de fées, non.